Chapitre 13e, le crime. Elle sortit pour aller à la mort. Léonie attendait, non sans anxiété, le moment où Fernande entrerait dans sa chambre. À la dernière heure, le criminel le plus endurci éprouve des angoisses. Il craint que le guet-apens tendu ne réussisse pas. Il redoute les suites du meurtre. Léonie n'était pas accoutumée à l'assassinat. Elle frémissait, en songeant que dans quelques moments, peut-être sa maîtresse appellerait à l'aide. Elle la voyait déjà se tordant dans les affres de l'agonie et mourant sous ses yeux. 10 fois, elle fut tentée d'aller retirer à la bipère, mais la peur de Yalige la retint. Celui-ci vint bientôt du reste rassurer Léonie et lui redonner de l'énergie. Il entra chez elle rayonnant. « C'est fait, ou tout au moins presque fait, dit-il. Dans quelques minutes, elle va crier au secours, mais il sera trop tard pour la sauver. » Le docteur n'est pas là. Y serait-il que ses remèdes n'y feraient rien? Le venin de l'aspic agit trop vite. Souffrira-t-elle beaucoup? Demande Léonie. Je n'en sais rien, mais je le souhaite. Je préfère la voir passer vite et sans souffrance, dit Léonie. Tu as tort. Cette fille nous a offensés, dit haineusement Stéphane, avec un sourire amer. Ne t'a-t-elle pas dit que j'avais une tête de coiffeur et de juif? Un cri déchirant retentit. Stéphane, l'œil étincelant, dit. C'est fini. Et il donna un sauvage baiser à sa maîtresse. Un appel plus faible retentit encore. Léonie, pâle, tremblante, se sentait envahie par une terreur subite. Mais lui, la galvanisant, la poussa dehors en lui disant, à voix basse, « Cours, cours vite !» Et il ajouta, « Montre-toi zélé, pleure si tu le peux. Moi, je te suis et je tuerai l'aspic. Garde-toi d'être mordu. » Un grand bruit se faisait dans l'établissement. De toutes parts, on se précipitait dans la chambre de Fernande. L'épouvante planait sur la maison. Fernande, encore émue de la minute d'égarement d'Armand, qui venait de lui révéler tant de choses, Fernande avait pris le chemin de sa chambre. Au fond, la petite témérité de son fiancé, voulant ses joues de jeune fille pour ses lèvres, cette audace si timide, ne lui avait pas déplu. Elle voyait bien qu'Armand l'aimait autrement que comme une statue. Elle pressentait dans le mariage des félicités qui, malgré la vague idée qu'elle s'en faisait, lui semblaient un bonheur ineffable et inconnu. Elle entrait dans un monde nouveau. Quand elle pénétra dans sa chambre, quand elle vit sous les roses son lit de jeune fille, elle fut touchée jusqu'aux larmes et murmura « Pauvre Armand, comme il m'aime !» Et se tournant du côté où il supposait qu'il se trouvait, elle lui envoya un baiser. Non plus, comme autrefois avec un regard doux et tendre, mais avec un éclair de passion dans les yeux. Elle se déshabilla lentement, jouant avec toutes ses roses qu'elle soulevait de temps à autre avec les deux mains pour les laisser retomber ensuite en cascade de feuilles roses et blanches mariant leurs couleurs. Qui l'eût vue ainsi, belle, pure et chaste, dans la demi-nudité du costume de nuit, qui l'eût vue parmi ses fleurs et au milieu de ses parfums, l'aurait prise pour une infantique, divine, sous la tunique de lin. Elle ouvrit le lit. Mais l'aspic s'était éveillé. Et irrité d'entendre le bruit des bas et de sentir les mains frôler les couvertures, il cherchait une issue pour fuir. L'instinct le guidait vers l'air. Il allait s'échapper quand il fut mis à découvert et aperçut Fernande debout et terrifié. Il s'élança. Le reptile venimeux ne mord pas. Il frappe de ses dents d'en haut comme d'un coup de marteau. Il ouvre démesurément la gueule. La mâchoire inférieure se rétracte et semble disparaître dans la gorge. La mâchoire supérieure fait saillie et les crochets se dressent. Dans cette attitude, la vipère est horrible. Son œil noir se dilate, il devient effroyablement fascinateur. On dirait que des torrents de lave sont projetés sur vous et l'on se sent paralysé. Ainsi s'explique l'attraction exercée par le reptile sur les animaux. L'homme lui-même l'a subi. Fernande était clouée sur place. L'aspic avait bondi. Elle étendit les mains pour le repousser et se défendre. Elle fut frappée au doigt annulaire de la main gauche. Elle ressentit une douleur cuisante, puis aussitôt un frisson mortel. Elle jeta un appel désespéré, puis une plainte, et s'affaissa sur un fauteuil. Elle se sentit perdue. Illusion d'avenir, rêve d'amour, espoir de jeunesse, tout s'envolait devant le spectre de la mort debout devant elle, dont la main glacée l'effleurait déjà. Alors elle pleura, pensant à son bonheur perdu et au désespoir d'Armand.